On est les Armands. Ouais. Les Armands. Thank you. Je trouvais que ça faisait un peu. Ah bon? Ouais, je crois que j'en ai. Est-ce qu'on peut avoir plus de retours? Merci. San Francisco? De guitare et de basse pour eux. Il y en a San Francisco? C'est ça, ouais. Il y en a plein en soi. Thank you. Thank you. to meet you.